Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, la direction ouvrière du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a publié le 28 juin une déclaration contre les autorités du fait que le ministère de l'Unification a interdit de nouveau le 27 juin l'échange de la lettre entre elle et le Comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée pour la réussite du match de football pour la réunification des ouvriers sud-nord. Par ailleurs, plus de 200 délégués des entreprises sud-coréennes dans la zone industrielle de Kaesong ont tenu le 28 juin un meeting devant le siège du gouvernement à Séoul pour réclamer aux autorités l'indemnisation des dommages dus à l'interruption du fonctionnement de la zone industrielle de Kaesong.